danser toutes les danses que tu veux dans les bras de celle que tu entraînes au loin. Va sourire, des sourires merveilleux pour les danseuses dont tu tiens la main. Mais n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Garde bien la dernière danse pour moi. Quelquefois des refrains plus forts que le vin qui vous tourne la tête. Chantez, rie, mais je t'en supplie, pour une autre que moi, ne donne pas ton cœur. Et n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Oh, garde bien la dernière danse pour moi. Moi chérie, je t'aime trop et je n'ai plus qu'un désir. C'est t'empêcher un jour de partir. Notre amour est trop beau. Allez, va danser, tu peux t'amuser. J'attendrai le jour pour notre retour. Si quelqu'un veut que tu l'accompagnes jusqu'à la maison, dis-lui bien que non. Car n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Garde bien la dernière danse pour moi. La dernière danse pour moi. Garde bien la dernière danse pour moi. Garde bien la dernière danse pour moi. Garde bien la dernière danse pour moi. Quand on est vraiment sûr de quelque chose, quand on désire réellement quelque chose arrive.